Les souvenirs d'un blessé. C'est à Tours, pendant que le gouvernement de la Défense nationale y résidait. C'est à l'armée de la Loire, pendant la campagne de Coulmiers, à celle de l'Est, dans sa retraite sur la frontière suisse, que ce roman est né. Et c'est à la gare de Perrache, puis dans un voyage en chemin de fer, que la première idée m'en est venue. Le tableau lamentable que présentait cette gare à la fin d'octobre 1870 se trouve dans la seconde partie de ce récit. Miss Clifton, page 14, où j'ai dit l'émotion qu'on ressentait à la vue des blessés qui l'encombraient. C'était ceux des premières batailles qui partaient du village solides et vaillants et revenaient, à la sortie des ambulances, estropiés et misérables. En wagon, je voyageais avec un de ces blessés, un lieutenant amputé du bras gauche. Avant l'entrée en campagne, son mariage était fixé. Maintenant, il revenait dans sa famille, portant réuni dans sa poche son anneau de fiançailles et la balle qui lui avait brisé le bras. La jeune fille qu'il avait aimée voudrait-elle d'un invalide de 28 ans? Et la gloire? Y a-t-il de la gloire pour un vaincu? De tous mes romans, c'est celui-là que j'ai gardé le moins longtemps en préparation, puisque je l'écrivis en 1871 et qu'il commença à paraître dans le temps au mois de novembre de cette même année. Me suis-je trop pressé? On l'a dit, et particulièrement Zola, dans un article d'autant plus intéressant qu'il date de mai 1872, et que Zola, à son tour, après 20 années, a publié la triste épopée de nos désastres. Parce que, dit-il, il faut un certain recul pour voir nettement les événements et il faut qu'un apaisement se fasse dans l'intelligence. J'aurais bien voulu le recul. L'apaisement, je ne le voulais pas. Et c'est quand j'avais des officiers prussiens logés dans ma maison, c'est en les voyant tourner autour de mon cabinet de travail et me regarder curieusement par ma fenêtre ouverte, c'est sous leur œil espionneur, c'est en entendant leurs fortes bottes écraser le gravier de mon jardin que j'écris ce roman. De là ses défauts sans doute, mais aussi sa qualité, si j'ai su la donner. L'émotion du vu, de l'entendu, du ressenti. L'historien met en œuvre des documents imprimés. Le romancier écrit sur le document vivant. Où seraient les miens si j'avais attendu? Pour ne prendre qu'un épisode parmi ceux qui composent ses souvenirs, le combat et l'incendie des Trépanier ne devaient-ils pas être écrits sous la dictée même de ceux qui en avaient été les témoins ou les victimes, avec leur effarement, leur émoi, leur indignation, le tremblement qui était resté chez plusieurs? Et il fallait se hâter, car ceux qui ont le plus souffert des horreurs de ce sac ne lui ont pas survécu longtemps. Le vieux juge de paix qui se traînait à genoux pour qu'on le laissât emporter de la maison qu'on allait incendier, sa femme paralysée. L'adjoint qui, pour n'avoir pas fait préparer un dîner assez fin et assez copieux pour messieurs les Saxons, mourait quelques mois après des coups dont il l'avait assommé. Et aussi plus d'un des otages qu'on fit le simulacre de fusiller. Si j'avais attendu, j'aurais pu, il est vrai, mettre dans mon roman ce qui est dans l'histoire. J'ai préféré essayer que, pour une part si faible qu'elle fût, on mit dans l'histoire un peu de mon roman. C'est pourquoi, au lieu de le remanier comme je l'ai fait pour beaucoup d'autres, je l'ai publié tel qu'il a été écrit, avec la fumée des batailles, dont le nuage non encore dissipé à ce moment a pu obscurcir plus d'un endroit, mais aussi avec l'odeur de la poudre, avec le bruit du canon encore vibrant en moi. Est-ce qu'aujourd'hui je retrouverai aussi poignante l'émotion qui m'étreignait quand, dans les gorges du Jura blanche de neige, j'écoutais les détonations des grosses pièces du fort de Joux, les dernières de la guerre? Et à ce propos, je veux ajouter un mot pour ceux, s'ils s'en trouvent, qui auraient la curiosité de comparer le texte de cette édition à celui du journal et dire comment l'un est plus complet que l'autre. Le temps où paraissait le roman avait alors Nevzer pour directeur. Tous ceux qui l'ont connu savent quelles étaient ses éminentes qualités de journaliste. Mais 20 années de journalisme pratiqué sous l'Empire lui avaient donné des habitudes de prudence qui n'avaient jamais été les miennes et qui lui firent demander quelques changements dans le chapitre du gouvernement de Tours. Comme mon roman était écrit pour dire ce que j'avais vu ou entendu et aussi ce que je croyais vrai ou juste, je défendis mon texte. Pendant 15 jours, nous restâmes en face l'un de l'autre et le journal n'eut pas de feuilleton, malgré l'intervention amicale d'Hébrard qui me disait « Mais Gambetta sera un jour le chef du gouvernement. » À quoi je répondais, ça m'est bien égal. À la fin, il fut décidé qu'on couperait ce que je ne voulais pas changer, et je m'empressais de rétablir dans le volume ce que le journal avait supprimé. Mais le curieux est que si je réécrivais aujourd'hui mon roman, je supprimerais moi-même, je le crois bien, ce que je mis alors tant d'obstination à défendre.